Thank you.

Watch me move. alive. I'm yours to keep. Do what you want. I'm going cheap. Underground by Fred Cominatia. Drive anywhere. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et bien voilà, My Little Girl, Drive Anywhere. C'est la fin de ces 3 heures de Deep House, pure Deep House, pour le son de l'Underground. Encore un jeudi bien rempli, avec 3 heures de super mix. J'espère que ça vous a plu. Voilà, la Deep House, c'est très ouvert. Hein. Ça a des sonorités jazzy, ça a des sonorités housey, ça a des sonorités techno. Donc un joli petit voyage de 3 heures, j'espère que voilà, vous avez apprécié sur l'unique émission, le son de l'Underground, en tout cas ici dans le sud, là, ça envoie quand même, c'est pas mal, je suis assez content. On va dire que demain aussi, il faut regarder, il faut écouter Sudtronic. Demain c'est techno, Sudtronic, malgré que bon, tous les matins c'est chill out, hein, 6h, 9h. Ensuite, 18h, 20h, on a l'afterwork électro, ça c'est tous les jours. Et demain, donc à partir de 20h, on a un live, 3 DJ en mix ici, DJ D-Night, Avox et Lulux, qui nous viennent donc autour de Toulon, Sanary entre autres, voilà, des personnes qui envoient, on va faire une soirée sûrement progressive, enfin techno, mais progressive en crescendo, dans le tempo et dans l'intensité. Ça va commencer plutôt tranquillou, techno minimal, et puis je pense que ça va finir sur du hard. Je pense que le luxe va finir sur du hard. Voilà, donc si vous aimez la techno, si vous aimez la hard techno, c'est demain que ça se passe, c'est sur Sudtronic à partir de 20h. Voilà, quant à nous, eh ben, on va se donner rendez-vous jeudi prochain, je sais pas, il y a peut-être les vacances là, donc on va voir. On va aussi on a fait une ligne droite ici Radio Méditerranée. Donc on va peut-être avoir un petit peu de temps libre, voilà, quelques semaines, une ou deux semaines, pour faire aussi la rentrée des gosses et autres. Et voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine en tout cas. C'était un plaisir d'être avec vous sur Radio Méditerranée ce soir. Et puis bah, je vous dis à demain sur Sudtronic par contre. Et puis regardez Sudtronic sur les réseaux sociaux, pages, groupes. Si vous aimez la musique électronique, là vous en prenez plein la tronche. Et puis c'est du 100% maison pour l'instant, donc voilà, c'est intéressant, mais les développements viendront et je vous informerai. En tout cas, je vous laisse avec la playlist de la soirée et je vous souhaite donc une bonne semaine. Salut les petits pangolins. De pierre où je tremble et j'ai froid. Je sais, je ne